Et partisans du multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini, la première mouture dans la Légion 3 vont se rappeler qu'il y a un dénommé Pat Lasselle qui était dépisteur, a également œuvré comme entraîneur adjoint de l'équipe avec Junior Junot. Quoi qu'il en soit, on a appris la semaine dernière, bonne nouvelle pour lui, on a appris qu'il dirigeait le nouveau programme universitaire de l'Université de Gatineau. Ça, c'est la même ligue que les Patriotes de l'UQTR. Et question de savoir un peu comment il a fait pour se ramasser là. On lui parle. Salut, Pat. Salut, Danny. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Oui, Pat, tout qu'un cheminement après le multiconcessionnaire. Ben écoute, c'est sûr et certain que pour moi, là, c'est une belle expérience que je vais vivre encore. T'sais, ça fait au-dessus de 25 ans que je fais du hockey. Et puis, je vais toujours aussi me souvenir des belles expériences que j'ai eues avec le multiconcessionnaire. C'est avec Junior Junot, Gilles Lapointe, avec Serge Bolduc, avec des gens avec qui je suis encore en communication puis en contact. Okay. C'est demeuré des bons amis personnels, tout comme toi. Et puis, oui, regarde, pour moi, là, c'est une belle expérience. Et puis, je suis bien content là, de pouvoir apporter mon expérience puis mes connaissances puis ma passion du hockey. Okay. Aux jeunes joueurs au niveau collégial. Qui t'a approché? Est-ce que c'est toi qui les as approchés ou c'est eux autres? Non, je te dirais que moi, c'est un contact qui m'a mis avec une personne de l'entourage et puis j'ai eu un appel et puis j'ai envoyé mon CV, ils m'ont demandé d'envoyer mon CV avec des références et puis on a eu deux belles rencontres et suite à ça, ben ils m'ont offert le poste là, de d'entraîneur-chef là, au niveau du hockey masculin. OK. Mais moi, Pat, tu me corriges, je me trompe. Je te connais comme dépisteur, je te connais comme directeur général avec Saint-Georges-de-Beauce, mais je te connais pas comme entraîneur. Où est-ce que tu as dirigé? Moi, j'ai dirigé, j'ai eu la chance d'aller diriger en France, à Magnus. Oui, on est allé à Magnus avec l'équipe de Morzine il y a très longtemps. Okay. Et puis, j'ai eu la chance aussi de diriger un peu dans la ligue nord-américaine avec Trois-Rivières. Okay. Et puis, par la suite, là, tu sais, j'ai fait mon hockey mineur comme tout le monde. Et puis, j'ai fait aussi du Junior 3A. J'ai fait Chambly Junior 3A. J'ai fait aussi le multiconcessionnaire avec Junior Junot puis Serge Bolduc puis Marco Dallaire. Et puis, par la suite, là, j'ai un de mes bons amis à moi là, qui m'a apporté aussi dans l'Ouest canadien presque pendant 4 ans. Et j'ai eu la chance aussi de connaître l'Ouest canadien. Fait que, puis tu sais, faut pas oublier, tu sais, j'ai une passion au niveau du hockey. Et puis, j'aime bien ça. Quel genre de programme que tu as, quel genre d'équipe de hockey que tu veux apporter à l'équipe de Gatineau? Mais nous, avec notre programme, la première chose qui est importante, nous, pour commencer, c'est vraiment des étudiants athlètes. Ça fait que les études, la priorité numéro un. Numéro deux, moi, je veux apporter des gens qui vont jouer pour le logo, ils vont jouer pour le collège et non pour le nom dans le dos. Ouais. Et puis, nous, on veut justement des bons jeunes étudiants qui vont travailler fort et puis qui vont travailler pendant 60 minutes avec l'intensité d'une bonne éthique de travail. Puis de la constance, et puis on va former des gens qui vont aller chercher un beau diplôme et puis qui vont jouer leur passion pour le hockey. Et puis c'est ça. Fait que c'est un beau défi. OK. Là, le recrutement, comment t'entends procéder? Est-ce que tu as l'intention de venir jusqu'ici même au Lac-Saint-Jean, recruter au Lac-Saint-Jean, parce que c'est une grosse job, j'imagine? Ah, c'est une grosse job. Et puis oui, mon recrutement va aller à la grandeur du Québec. Et puis, tu sais, moi, j'ai un travail à faire. Tu sais, tout le monde a un travail à faire, là. Soit comme en tant qu'entraîneur ou responsable d'un programme, soit dans un collège ou quoi que ce soit, dans une université ou whatever. On a un travail à faire. Et puis, oui, je vais aller à la grandeur du Québec. Parce que, tu sais, ici, à Star, dans la région d'Outaouais, on est une très belle région. Ben oui. Et puis, tu sais, nous autres, au collège, tu sais, il faut pas oublier non plus, on est le seul établissement qui est bilingue à l'Outaouais. Fait que les étudiants athlètes vont pouvoir étudier en français ou en anglais ou dans leur langue qu'ils vont vouloir. Fait que c'est ça. Fait que pour nous, là, c'est important. OK. Donc, j'imagine que... Est-ce que tu penses que ça va être difficile d'attirer des étudiants dans l'université compte tenu que c'est comme une équipe d'expansion ou ça va bien se faire de ce côté-là? Non, je donc moi je suis pas inquiet. C'est sûr certain que c'est du travail. Là, écoute, là, on travaille 7 jours sur 7, là, quasiment 24 heures sur 24. Mais non, c'est pas moi le recrutement, là, c'est quelque chose qui est très important. Puis mon adjoint qui va être nommé prochainement aussi va en faire. Puis même mon responsable des sports, il est sur le recrutement aussi. Fait que tu sais, c'est un travail d'équipe. T'sais. Nous, on a le département des opérations hockey, puis après ça, tu sais, t'as le département des admissions, le département du registraire. Fait que c'est un travail d'équipe, puis moi je vais à la grandeur du Québec, et puis faut pas oublier non plus aussi qu'on est on est collé avec Ottawa. Fait que honnêtement, mon bureau, je traverse le pont Brady ou l'autre pont, puis ça me prend 5-10 minutes. Puis on a souvent des Franco-Ontariens souvent qui vont venir étudier sur notre côté parce que les frais sont un petit peu moins chers qu'en Ontario. Fait que, moi, je vois large et puis on travaille là-dessus, là, au niveau du recrutement. Là. OK. Justement, tu vas voir à côté des 67 d'Ottawa, à côté des Olympiques de Gatineau. Donc, tu as un bassin de joueurs assez intéressant. Là. Ah, j'ai un bassin de joueurs intéressant. Et puis écoute, là, c'est incroyable. Là, écoute, moi, j'ai bien hâte. Et puis, on sait, là, je suis en poste officiellement depuis une grosse semaine et demie. Puis, on dirait que c'est ça, là, je fais 17 jours sur 7. Et puis... On prépare l'arrivée de l'équipe. Là. T'as-tu un adjoint ou c'est-tu nommé ton adjoint? Non, mon adjoint n'est pas nommé encore. Là. Je suis en processus de passer des entrevues présentement avec le collège. Et puis, on est en train je suis en train de regarder tout ça. Et puis, moi, je veux choisir un adjoint avec qui je vais avoir confiance et puis qu'on va avoir des affinités. Puis, qu'il faut pas oublier non plus qu'il va rentrer dans la philosophie du programme. Parce que nous... on y voit un peu aussi avec la mentalité prep school américaine. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que moi, oui, ils vont jouer au hockey, c'est vrai, mais en même temps, ils vont avoir un multisport. Ça veut dire qu'ils vont avoir un sport à choisir à l'automne, un sport à choisir avec le printemps et l'hiver, et puis tout en étudiant, puis en faisant aussi le programme de conditionnement au niveau du gymnase, là, au niveau cardio et musculation. OK, donc j'imagine que tu as des noms en tête de ce côté-là, il n'y a aucun problème, là. Ah oui, j'ai des noms en tête, puis et puis tu sais, je fais aller mes contacts aussi. Ça se peut qu'à un moment donné, là, regarde, là, je suis en train de faire aller mes contacts et puis j'essaie de trouver la bonne personne là, pour venir m'appuyer dans ce projet-là. Puis en même temps, j'aimerais ça peut-être avoir, là, je vais pas dire un jeune, mais tu sais, je vais avoir peut-être un gars là qui est en fin de bac ou quelque chose comme ça, ou qu'il y a vraiment la passion de hockey, ou ce que je peux lui montrer certaines choses que lui, un jour, dans 3 ans, il va pouvoir prendre la relève. OK. Donc, c'est un mandat de 3 ans. Tu as signé un contrat de 3 ans avec l'équipe, l'Université automatique. C'est la même ligue, les Patriotes de QTR, hein? C'est la même gang, hein? Non, malheureusement, Danny, c'est pas la même gang. Nous, c'est du collégial, comme soit les cégeps ou les collèges au Québec. Okay. Et puis, c'est pour ça que je disais que nous, on est le seul collège ici au Québec ou en Outaouais que nous offrons là l'enseignement dans les deux langues. Et puis... C'est les Janois d'Alma, c'est ça? Donc, tu vas venir jouer à Alma, non? Probablement que c'est ça. Nous, on va offrir la chance là, de venir jouer quelques matchs où je vais regarder avec... je pense que c'est Pascal, puis l'autre personne, je m'en suis qui le responsable des sports, à savoir s'ils veulent jouer un match ou deux ou quatre matchs avec nous, mais on est en train de travailler le calendrier. Nous, on va jouer beaucoup contre certaines équipes collégiales. Ensuite, on va aller jouer aussi dans les prep schools américains aux États-Unis, parce que nous, notre objectif et notre philosophie, c'est de préparer des étudiants athlètes qui vont aller vers les NCAA Division 1 ou Division 3. OK. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, que c'est une équipe que tu vas jouer. Donc, tu ne seras pas dans un circuit comme tel, mais tu vas jouer des matchs sur concours un peu contre tout le monde, c'est ça? Oui, c'est ça. Beaucoup là, contre des équipes collégiales, tant que Canada est côté américain. Et puis c'est ça. Puis, il ne faut pas oublier aussi que nous autres, on est en partenariat avec l'Académie Ulysse, là. Qui a un excellent programme de hockey aussi. Fait qu'eux aussi, ils jouent beaucoup des matchs contre des prep schools américains, comme des prep schools aussi canadiens. Parce que nous, dans le terme prep school, nous serons un varsity qui va être là. Nous, on va accueillir des 17, 18, 19 et 20 ans. Et puis, on les prépare justement pour aller à l'université là, OK, dans leur c'est un cheminement. petit peu comme du junior 3, c'est un peu comme, comme le collège qu'on a ici, autrement dit. Dis-moi, toi, ton mandat ne sera pas juste le hockey, tu vas être enseignant aussi. Moi, je regarde, là, c'est ça, présentement, là, on est en train de regarder là, l'opportunité là, que j'enseigne un cours ou deux, là, soit la session d'automne, la session d'hiver. Mais ma priorité numéro un, présentement, c'est de démarrer à 100% le programme du hockey masculin. Et puis, nous autres, on prévoit que dans 2 ans, qu'on veut amener aussi le programme d'hockey féminin. Okay. Et puis, c'est ça, parce que là, de plus en plus, le hockey féminin s'en vient super bien. Ben oui. Puis, de plus en plus, des équipes collégiales ont le hockey féminin. Fait qu'on, je pense qu'on peut faire une belle affaire au nouveau hockey féminin. Et puis, c'est ça. Et là, présentement, ma priorité numéro un, quand j'ai obtenu le contrat, c'était j'étais à temps plein au niveau du hockey masculin. Et puis, et les opérations hockey. Et puis, c'est ça. Puis, c'est le fun parce que de plus en plus, les gens se dirigent vers les collèges ou vers les cégeps pour étudier, jouer au hockey, puis par la suite, espérer d'aller dans une université soit canadienne ou NCAA D1 ou D3. Là. OK. Ben, on va te souhaiter la meilleure des chances, Pat. Ben, c'est bien le fun, bien le fun, bien le fun. Puis, au plaisir de se reparler. Puis, si jamais tu recrutes quelqu'un de la région, du coin de Dolboum-Sesny, de Saint-Félicien, fais-moi le pas, ça va me faire plaisir de l'avoir en entrevue. Il y a un Jérémy Fortin qui joue, je pense, pour l'équipe de qui vient de Dolboum-Sesny. Les Saints de Gatineau, ouais, je pense. Joue, ouais, c'est donc, ça pourrait être un joueur intéressant pour toi aussi. Là. Non, c'est sûr, on a grande possibilité. Tu vas être le premier à savoir. Puis en même temps, juste pour finir, Dani, j'aimerais ça vraiment saluer anciennement mes amis à Saint-Félicien, Dolboum-Sesny. Et puis... écoute, t'sais, on a eu des belles années ben pareilles, oui. Dani. Tu as fait partie de l'organisation. Tu étais à la description des matchs où tu as fait un excellent travail. On a eu du plaisir incroyable. Fait que moi, je salue là, justement Gilles Lapointe, Junior Junot et Serge Bauduc. Ben, merci beaucoup pour le plaisir de se parler. Merci, Dani. Bonne journée. Le nouvel instructeur du collège de Gatineau, Pat Lassé.